Chapitre 7e, le duel. Fernande savait qu'Armand devait venir chercher le docteur. Elle l'attendait anxieusement. Avec la finesse ordinaire des femmes, elle avait pris ses mesures pour pouvoir lui parler sans témoin, pour échanger avec lui quelques mots. L'amour va vite. Ceux qui, dans leur vie, ont éprouvé une passion, savent combien le cœur est rapidement envahi. Lorsque deux êtres faits pour s'aimer se sont rencontrés, en quelques heures, la sympathie grandit, s'affirme et s'empare de tout l'être. Fernande avait éprouvé cette loi. Pendant toute la nuit, elle avait été tourmentée par l'inquiétude. Elle avait à peine dormi. Elle avait rêvé tantôt qu'Armand était blessé à mort, tantôt qu'il lui était infidèle, et qu'il l'oubliait. Une crainte l'envahit. Elle se dit qu'elle avait trop fait d'aveux, que ce jeune homme qu'elle connaissait à peine ne pouvait si vite avoir été épris. Puis elle songea qu'il menait une vie déréglée et qu'il n'y avait rien de sérieux peut-être à attendre de ce bohème. Aussi était-elle fiévreuse, dans le jardin de son tuteur, promenant son ennui, se troublant à chaque coup de cloche. Le docteur était un savant. Une mère se fut aperçue de l'état de Fernande. Favel ne vit rien, sinon que sa pupille ce jour-là suivait ses prescriptions. Il lui recommandait toujours le mouvement. Vers 2 heures, Fernande comprit que le moment approchait où Armand allait venir. Il ne pouvait tarder. Elle se jura de se montrer froide, réservée. Elle craignait d'avoir été trop tendre. Tout à coup, la sonnette vibra, la concierge ouvrit, c'était lui. À sa vue, Fernande sentit s'évanouir toute sa résolution. Elle frissonna de joie. Elle lui trouva visage si franc, regard si aimant, qu'il lui s'évanouirent tout soupçon. Elle n'attendit pas, elle est frémissante. Il vint la saluer. L'attitude de Fernande le frappa. « Vous avez souffert, dit-il. Je vous en remercie, mais ayez du courage. Je ne mérite pas tant d'intérêt. Dans quelques heures du reste, tout sera terminé, et je serai mort avec la suprême consolation d'avoir été remarqué par vous, où je vivrai pour me dévouer à vous toujours. Toujours, fit-elle. Ne me faites pas l'injure d'en douter, dit Armand, avec un accent qui portait la conviction de l'âme de Fernande. Mais, murmura-t-elle, on prétend que les hommes sont infidèles. Qui prétend cela? Oui, certes. Un homme qui fait un mariage de convenance, qui épouse Mademoiselle X à cause de sa dot, oui. Cet homme-là ne sera point fidèle, mais moi, si j'ai ce bonheur inouï d'être le mari d'une femme que tous ont consacrée déesse, je serai tout entier à elle. Est-ce bien vrai? Elle souriait. La confiance lui était venue. Vous n'en doutez plus, dit-il. Et l'entraînant vers un coin d'allée sombre, elle lui dit avec une grande simplicité « Les circonstances où nous sommes autorisent bien des choses. Je m'enhardis, vous jurez, que je suis vôtre à jamais. Voulez-vous qu'ici, avant l'heure d'épreuve par laquelle nous allons passer, nous nous fiancions l'un à l'autre ?» Elle lui tendit chastement son front. Elle était pâle, sérieuse et triste. Il lui donna un baiser. Elle devint pourpre. « Fernande, dit-il, à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus le droit de douter de moi. Je vous ai donné ma foi, dit-elle. Je vous confie mon bonheur et mon honneur. » Il était radieux. « Venez, fit-elle. Le docteur s'étonnerait de ne pas nous voir. » Il la suivit. Elle le conduisit jusqu'à la maison, l'annonça elle-même et se retira. Favel reçut Armand dans son cabinet. « Vous voilà, fit le docteur. « C'est bien pour aujourd'hui. « Rendez-vous à 3 heures, dit Armand, à l'île de la Jatte. C'est à 2 pas. » Il sonna. « Faites atteler, dit-il à son huissier, et placez cette boîte dans la voiture. » C'était tout ce qu'il fallait en instruments et en remèdes pour les opérations les plus compliquées. Favel prenait ses précautions et vérifiait sa trousse. L'huissier vint dire « La voiture de monsieur est attelée. »« Pardon, fit Favel. » Mais avant de quitter le cabinet, il se ravisa et dit à l'huissier « Qu'on prévienne Mademoiselle Fernande que je désire lui parler. » Et à Armand « Ma pupille vous doit la vie, mon cher. » C'est bien le moins qu'elle vous souhaite bonne chance. Les Arabes prétendent que cela porte bonheur. Fernande entra. Voici, ma chère mignonne, lui dit Fabel, un jeune homme à qui nous devons beaucoup. J'ai pensé que tu voudrais lui dire au revoir. Fernande sentait des larmes perler à ses yeux. Elle allait éclater en sanglots. Fabel, toujours brusque, voulut éviter une scène d'attendrissement. Vite, vite, dit-il, l'heure presse. Vous êtes son cousin, monsieur Fernand. En pareil cas, les ambassades sont autorisées. Elle lui donna ses joues cette fois. Il y mit 2 baisers. « Revenez-nous, » dit-elle d'une voix étouffée et en tombant dans un fauteuil. « Certainement, nous reviendrons, » dit Favel. Et il entraîna Armand dans sa voiture et cria au cocher « À l'île de la Jatte !» Puis tout à coup, il demanda à Armand, fort étonné de ses manières, « Votre pouls ?»« Voilà, docteur. »« Hein, de la fièvre. Cependant, vous n'avez pas peur. »« Ma foi, non, » dit Armand. « Pourquoi cette agitation, alors ?» Armand répondit évasivement, « Je ne sais pas. »« Pouah, vous mentez !» fit Favel. Décidément, c'était un homme qui n'avait pas les façons de tout le monde. Il brusquait tout, tous et toutes. Il demanda à Armand. « Êtes-vous capable de renoncer carrément à la vie bohème ?»« Je me le suis juré, docteur, » dit Armand. « J'ai beaucoup de volonté. »« Que ferez-vous ?»« Je suis sûr que, journaliste, j'arriverai à une excellente position. J'ai quelque chose dans le ventre, puis je pourrai devenir un homme politique. »« Vous avez un tempérament de tribun, » fit le docteur. Et tout aussitôt, revenant à son idée première, il demanda. « Et cette fièvre, pourquoi cette fièvre ?»« Mais, docteur, vous allez me mentir encore ?» Armand était bien embarrassé. « Une dernière question, » fit Fabel. « Faites, docteur. Son des vos reins et votre cœur, comme dit l'Évangile. Tâtez-vous, auscultez-vous, et après examen, répondez net. »« À quoi, docteur ? À ceci. » Il plongea son regard dans celui d'Armand, fouillant cet âme à fond, et reprit. « Dites-moi si vous vous sentez de taille à être bon père et bon mari. Si oui, je vous trouverai une femme, moi, une femme excellente. »« Docteur, » répondit Armand. « Je crois que je suis un homme et que je saurai toujours remplir mon devoir et me conduire de façon à satisfaire la belle-mère la plus difficile. »« Bon, » dit Fabel, convaincu. Et il dit encore, ce qui parut très singulier à Armand, « J'ai pris mes renseignements. Je sais à comment tenir sur votre compte et j'ai mis ce matin des hommes sûrs en campagne. »« Votre passé n'est pas d'un pleutre. Oui, je crois que vous êtes un homme. Maintenant, dites ce que vous avez à me dire et dépêchez-vous. »« Mais, docteur, » Armand était absolument interloqué, Favel se fâcha. « Ah ça, me prenez-vous pour un imbécile ou êtes-vous un sot ? Parlez donc !» Armand regarda le docteur, comprit sa pensée et dit simplement « Je l'aime. »« Enfin !» dit Favel. Il reprit. « Et elle ? Je crois qu'elle m'aime aussi. »« Je crois, je crois. Il faut en être sûr. Vous l'a-t-elle dit ?»« Oui, avoua Armand. » Il était impétueusement poussé par Favel dans ses derniers retranchements. « À la bonne heure !» fit le docteur en se frottant les mains. « Tout va bien. » Puis il ajouta. « Vous me trouvez singulier, n'est-ce pas ? Je suis tout bêtement logique. Je sais comment l'amour, le véritable amour, vient aux jeunes gens. On dit qu'on ne peut pas s'aimer en une demi-heure. C'est une bêtise. Je prétends que dans la plupart des cas, les véritables, les grandes passions, naissent en 10 minutes. L'amour est sujet aux lois de l'électricité. Il met les deux électricités en communication. Une rencontre, et si les deux électricités sont de nature à se combiner, au premier choc, l'étincelle de la passion jaillit et allume l'incendie. C'est ce qui est arrivé pour vous et pour Fernande. Or, j'avais peur qu'elle fût difficile à bien marier. Parce qu'elle est trop belle, dit Armand. Vous m'avez compris, dit Fabel, et serrant la main d'Armand. Mon cher, du calme, du courage, de la vigueur, et espérons. Moi, j'ai confiance. Fièrement, on arrivait. La voiture qui amenait les témoins d'Armand et celle qui avait conduit à l'Iliali chez ses témoins furent envoyées au pont Binot. Déjà, on avait étudié et choisi un emplacement convenable. Les témoins ont enlevé ça et là les cailloux. Pas de soleil. On se battait à l'ombre des platanes et des ormes géants. La nature était en fête ce jour-là. Les oiseaux chantaient dans la ramée, la rivière étincelait autour de l'île en deux rubans moirés d'argent, portée de verdure par l'herbe des plages. L'air était tiède, saturé de parfums. Il faisait bon vivre. Le cadre riant contrastait avec la scène de meurtre qui allait se jouer. Le baron de Jalige, froid, railleur, un rictus aux lèvres, semblait sûr de lui. Il caressait sa vengeance et Favel trouva cette attitude menaçante. Le baron n'avait pas amené de médecin. Il était si certain de ne pas même être égratigné qu'il avait dédaigné cette précaution. Il salua Favel, celui-ci lui rendit un salut raide et évita de lui parler. Armand serra la main de ses témoins et se déshabilla. Il ôta sa chemise, ne gardant que le pantalon. Favel admira le torse splendide de ce magnifique garçon. Cependant, l'on était prêt. On plaça les adversaires, et le témoin chargé de ce soin prononça le signal traditionnel « Allez, messieurs !» L'intérêt de la lutte était puissant pour ceux qui s'intéressaient à Armand. Léon et Théodore, qui l'avaient assisté 3 fois, ne l'avaient jamais vu ainsi. Les cheveux au vent, l'œil plein d'éclairs, les narines frémissantes et dilatées, la lèvre crispée, Armand était superbe de colère et d'énergie. Il semblait doué d'une force irrésistible et Yalich, si ferme et si brave qu'il fût, se sentit en présence d'un adversaire plus redoutable qu'il ne l'aurait cru. Ne trouvez-vous pas que Yalich a l'air d'être en face d'un jeune taureau sauvage? Quelle furie farouche va déployer ce garçon? Tant pis pour lui, il fera des fautes. Les deux adversaires partirent l'un sur l'autre. Yalich fut prudent. Il commença par tâter son homme, mais avec un poignet qui lui permettait bien des choses qu'un autre n'eût pu tenter, avec une taille très allongée qui développait sa puissance défensive, Armand tint comme un roc. Tout furieux qu'il fût, il se contenait et restait inébranlablement sur la défensive. Yalich dut attaquer plus vivement. Un moment terrible arrivait. Il s'agissait pour Fabel de savoir si, quand Armand se livrerait, il serait seulement blessé ou tué par son adversaire. Tout à coup, Armand, voyant Yalich pressant et animé, lui présenta du jour, et le baron se fendit à fond de la trouée qu'il sentait devant lui, le fer d'Armand livrant du passage. Mais le jeune homme, avec un élan d'une violence inouïe, partait à fond lui aussi. L'épée de Yalich rencontrait sous le bras d'Armand, à hauteur de l'épaule, un os, contre lequel elle se brisa. Mais le baron tombait, et sur lui, Armand roulait à terre aussi. L'épée du jeune homme avait traversé Yalich jusqu'à la garde. Armand se releva, et regardant haineusement son adversaire, il lui dit « Je vous avais prévenu ». Puis se retournant vers le docteur, il lui montra le baron en disant « Votre devoir avant tout, docteur. Je n'ai qu'un bras endommagé. » Fabel ne pouvait cacher sa joie. Il pensait que le baron ne reviendrait pas. Il retira l'épée, ouvrit sa trousse, sonda la blessure et parut stupéfait. « Messieurs, voilà qui est inouï. Aucun organe essentiel n'est atteint. » Et il pensa le baron. « Sauf complications imprévues, avant 2 mois, monsieur sera sur pied. » Le baron remercia. Il se croyait à la mort. On le porta dans sa voiture. Fabel revint à Armand. « Pas de chance, il en réchappera, ce misérable. »« C'est égal, » reprit Armand. « Je suis content de ne pas être mort. » Ce qui m'importe maintenant, car je tiens à la vie. Messieurs, dit Fabel, ce soir je vous donne un dîner, je vous attends à 6 heures. L'on monta en voiture et l'on partit. 1 heure plus tard, les échos du boulevard retentissaient du triomphe d'Armand. Ce fut une grande joie pour la jeunesse et un grand chagrin pour le fameux baron de Yalich, dont le prestige se trouva considérablement entamé. Armand trouva dans le jardin du docteur Fernande qui l'attendait. Elle faillit s'évanouir de joie en revoyant son fiancé vivant. « Viens, Fernande, » dit Fabel, en descendant de voiture et en emmenant les 2 jeunes gens très émus dans son cabinet. Là, prenant la main de sa pupille, il la plaça dans celle d'Armand. « Mes enfants, vous êtes orphelins. Vous vous aimez, je vous fiance. Embrassez-vous donc. » Et il les regarda, tout attendri, se donnant un long baiser, puis il les fit asseoir ensuite près de lui. « Tu connais ma mignonne, » dit-il à Fernande, « mes idées sur le mariage. Je suis pour la méthode anglaise. Les futurs doivent se connaître. Si vous vous aimez toujours dans 3 mois, on vous mariera. En attendant, je prends Armand pour mon secrétaire, ce qui n'étonnera personne. Là-dessus, mes enfants, soyez tout à la joie, allez vous promener jusqu'au dîner dans mon jardin et aimez-vous. » Armand serra la main du docteur, Fernande se jeta dans les bras de son tuteur, les 2 fiancés passèrent une délicieuse après-midi. Le soir, à dîner des intimes du docteur et M. Le Noël notamment, lequel demeurait à Neuilly en chambre meublée pour cause de pêche, 12 douzaine de personnes en tout s'asseyaient à la table de Fabel. On y fêta Armand. La soirée fut une longue ivresse de bonheur pour les 2 amoureux. Armand, devenu le pensionnaire du docteur, eut une chambre dans la maison. Le baron de Yalich avait été reconduit à l'hôtel des Champs-Élysées. Laura s'attendait à une victoire. Et voilà que son frère Yalich le revenait, tigre marqué à la poitrine de la griffe de ce jeune lion. Elle fut piquée par la curiosité. Les témoins de Yalich avaient dit à la comtesse le plus grand bien de l'attitude d'Armand. Il l'avait dépeint comme un héros. Cette idée du coup fourré parut surtout remarquable à la comtesse. Elle se dit « Il y a un homme dans cet enfant ». Puis, une entrevue qu'elle eut avec un certain journaliste nommé Vincentini, qui connaissait Armand, lui donna une haute idée de ce hardi jeune homme. « C'est, lui dit-il, un type taillé par un autre ciseau dans un marbre d'une autre nature que celui dans lequel on prend les blocs destinés à fabriquer nos grands hommes actuels. Il lui est arrivé des aventures inouïes, impossibles, incroyables. Un jour qu'il était en bonne fortune, au quatrième étage d'une maison de la rue Caumartin, le mari, qui était en voyage, revient. Armand saute par la fenêtre dans la rue et tombe dans une voiture qui passait, ramenant du théâtre Millau, le fondateur du petit journal. Armand avait crevé le haut de la voiture et il se trouve assis sur la banquette de devant, en face du célèbre banquier qui le connaissait, du reste. Sans perdre un instant son sang-froid, Armand dit à Millau : Je vous demande pardon de la façon un peu brusque dont je suis entré dans votre calèche. Mais vous ayant vu passer, ayant besoin d'un louis, je me suis jeté du quatrième pour ne pas vous manquer. En m'avançant un louis, vous ne risquez rien, car j'ai un fameux fait divers à vous donner. » Et il raconta ce qui s'était passé. Millau rit beaucoup de l'aventure, il donna 10 louis à Armand, et on ne fit pas passer le fait divers dans la crainte de compromettre la femme. Et ceci est authentique, absolument, et j'en sais bien d'autres. Un jour, dans une fête des environs de Paris, il se moqua d'un empereur qui prétendait avoir un tigre très méchant que lui seul pouvait approcher. Irrité par les railleries d'Armand, le dompteur sortit de la cage et défia le jeune homme d'y entrer. Armand se leva de sa place et vint se planter dans la cage en face du tigre qui ne broncha pas et se laissa caresser. Et savez-vous ce qui advint? Le dompteur avait ivré et son tigre était si féroce qu'il dévorait son maître quelques mois plus tard à Pest, en Hongrie. Plus tard, Armand a fait avec Fédot le voyage de l'Algérie. Il lui est arrivé là une aventure suivante. Son cheval s'emporte et l'entraîne droit au bord d'un précipice de 40 mètres de profondeur, et à pic. On voit monture et cavalier s'engouffrer. On court, on tourne le précipice, on y pénètre, et l'on trouve Armand en train de manger des arbouses au fond du ravin qui était couvert d'arbousiers. Le cheval râlait son dernier souffle. « Ce garçon a donc un talisman ?» fit la comtesse. « Talisman, amulette, chance, fatalité, ce que vous voudrez, mais à coup sûr, une protection surnaturelle qui le fait échapper à tout péril. Est-il spirituel ?»« Pas dans le sens parisien du mot, mais il a une verve toute gauloise, beaucoup d'humeur à la façon des Anglais, des idées excentriques. Il avait rendez-vous avec une actrice qui lui avait paru charmante dans une apothéose au milieu des flammes de Bengale. Il lui avait demandé rendez-vous. Elle l'avait invitée à dîner un soir qu'elle ne jouait pas. Au jour, il la trouva moins belle que dans l'apothéose, mais il n'en dit rien. Il prétexta d'avoir une course indispensable, sortit et revint. Il ne montra rien du déplaisir que lui causait sa déconvenue. Quand l'heure du coucher fut venue, il disposa sur le marbre de la table de nuit 3 paquets qu'il était allé acheter. « Qu'est-ce que cela ? » fit l'actrice. « Des paquets de contrebande que vend Henri le garçon du café de Suède, » répondit-il. Elle ne s'en préoccupa point davantage. Un quart d'heure après, il étendait une main vers la bougie et allumait les paquets qui n'étaient autres que des flammes de Bengale. L'actrice épouvantée voulut fuir. Il s'y opposa énergiquement. Quand il lui permit enfin de se sauver tout effaré, il lui cria. « Ne fallait-il pas retrouver mes illusions perdues ? Les pompiers vinrent, leur en avaient crié. Au feu ! Mais on ne trouva plus Armand. » Il s'en était allé. Chaque fois qu'on parle de cette actrice, devant lui, il dit « C'est une femme à qui les feux de Bengale vont très bien. »« Quel drôle de garçon !» fit la comtesse. Il eut bien d'autres fantaisies aussi amusantes et plus risquées. La comtesse était devenue rêveuse. « Il faut que je voie ce garçon. Comment m'y prendre ?»« Je vous le dirai, » dit Vincentini. C'était un homme tout dévoué à Laura. Il s'ingénia à satisfaire ses désirs. La comtesse curieuse, mais toujours haineuse, se rencontra plusieurs fois avec Armand que Favel, pour le former à la vie régulière, envoyait souvent dans le monde. Laura sut quelle position le jeune homme occupait chez le docteur. Elle devina le futur mariage. Dès ce jour, sa haine redoubla. Mais chose étrange, dans le premier conseil qu'il tint avec Galiche, celui-ci proposa de se débarrasser d'abord et avant tout d'Armand. « Non, » répondit Laura, « lui, le dernier. » Pourquoi donc l'exécrant semblait-elle reculer devant sa mort? Les femmes ont des caprices singuliers. Laura devait connaître suffisamment Armand depuis 2 mois qu'elle le voyait souvent. Pourquoi continuait-elle à chercher les occasions de le rencontrer? Pourquoi cherchait-elle à éclipser toutes les femmes devant lui? C'était un mystère dont elle-même, peut-être, n'avait pas la clé. Autre symptôme, la comtesse parut dévorée du désir de faire disparaître Fernande. « Jamais, disait-elle, jamais ce mariage n'aura lieu. Je m'y opposerai de toutes mes forces. » Et elle méditait sur les moyens de tuer Fernande le plus promptement possible. Un soir, elle dit à Yalich, « J'ai trouvé. »« Quoi donc ?» fit le baron, qui s'était levé ce jour-là pour la première fois. « J'ai trouvé le moyen sûr, rapide et point compromettant de me débarrasser de cette jeune fille par laquelle nous devons commencer notre œuvre. Que comptes-tu faire ? J'ai déjà, à tout hasard, fait corrompre la femme de chambre de Fernande. La tiens-tu bien ? Es-tu sûr d'elle ? Sois tranquille, nous la tenons par le cœur, par le crime déjà connu et par la peur. Et tu veux ? Je veux aller à Fontainebleau d'abord et y parler au vieillard Ruche. Le charmeur de vipère, que peut-il te conseiller ? J'ai besoin d'être renseigné sur les mœurs des serpents. Demain, je pars. Une visite interrompit cette conversation. Yalich eut pourtant bien voulu connaître le plan de sa sœur.